Label Records, DJ Shock, Death, 2008 frère, ok. Label Records. Jamais plairait l'ordre et les fils de cop. J'suis cuistot dans la folie, dans mon ticard, on m'appelle Jean-Pierre Foc. En 2008, les suspects qui reviennent à la mode. Le rap, un peu de principe, même Sarkozy se met à la prod. J'ai peigné dans la zig, mais à la bouche, pas chute cuillère. J'ai compris que dans la Bible, t'as fait de l'amour et pas de petite prière. Regarde glacial, garde mes potes, on doit être religion. Dans la cage d'escalier, on ferait de l'ombre à la marque Benetton. L'amour perd en valeur, front en négativité. Ça court derrière le beurre, la chance fait un détour pour éviter. La famille et les miens, tout ce qui pourrait dégrader. La France de Nicolas, car tout va mal si t'as le teint bronzé. Pourquoi a-t-on la haine et le but du monde respect? Car avec lui qui peut stopper notre âge et nous mettre en échec. Défaitiste, ouais, à notre époque fait partie de la coutume. Les coups durs, la couture, pas elle pètera à coup sûr. Le top palo, je veux pas finir derrière un tire-palette. Tous mes projets tombent à l'eau, ma plume parlait, mon cœur c'était. Des visions ternes et ça t'effraie. Le jour où je pète un plomb, frère, faudra pas qu'on me dise d'en payer les frais. Le top palo, je veux pas finir derrière un tire-palette. Tous mes projets tombent à l'eau, ma plume parlait, mon cœur c'était. Des visions ternes et ça t'effraie. Le jour où je pète un plomb, frère, faudra pas qu'on me dise d'en payer les. Je transcris ce que je vis au quotidien, moral écrit. La famille sont les seuls avec qui je m'accorde des liens. Trop fier, sale sourire avec la corde au cou. Les miens ont pour principe de s'entraider, de se serrer les coudes. Avancer, c'est l'entête, accepter la défaite. Ne pas baisser la garde, et affronter les tempêtes. C'est dur en fait, mais à notre époque, on n'a pas le choix. Rapper, c'est quand t'es honnête. La seule mec et ça se voit. On parle à rue capuche avec la démarche arquée. À notre âge, on a d'arthrose et le visage marqué. On a du mal et plus ça va, les solutions s'enterrent. La caillasse, faut l'audace, un chute de solution. Dentaire. On a la dalle, on barreau sur la 6. On veut la baraque de Johnny, un compte bancaire en Suisse. On est comme vous avec des rêves bien différents. Car les nôtres à votre goût n'ont rien de palpitant. Le top poilot, je veux pas finir derrière un tire-palette. Tous mes projets tombent à l'eau, ma plume parlait, mon cœur c'était. Des visions ternes et ça t'effraie. Le jour où je pète un plomb, frère, faudra pas qu'on me dise d'en payer les frais. Le top poilot, je veux pas finir derrière un tire-palette. Tous mes projets tombent à l'eau, ma plume parlait, mon cœur c'était. Des visions ternes et ça t'effraie. Le jour où je pète un plomb, frère, faudra pas qu'on me dise d'en payer. Les frais. Faudra pas qu'on dise d'en payer les frais.